Goedenavond. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous parce que là en plus ça fait un bail qu'on n'a pas été à la mare ensemble donc forcément. Ouais, ça fait quoi, 4 mois? Ouais, presque, voilà. On s'était arrêté un 28 mai et on reprend un 10 septembre. 10 septembre, 10 c'est bien parce qu'on entame la 10e saison de cette émission Tous les canards vont à la mare qu'on avait démarré donc. Faites le calcul vous-même avec un certain radiologue. Ouais. Qu'on salue au passage. Et le radiologue, figurez-vous, comme ça l'annonce InfoService est faite, vous pouvez le retrouver tous les 15 jours entre 15h et 17h dans une émission qui s'appelle La Boucherie. Quel jour? Le samedi. Voilà. Samedi 15-17, tous les 15 jours. Faut calculer un peu, hein, je ne sais plus si c'est le deuxième et quatrième ou un et trois. Enfin, voilà, ça, à vous de voir. Suivez les réseaux sociaux parce qu'il est très actif en plus sur les réseaux sociaux. Et donc voilà La Boucherie le samedi après-midi avec le radiologue qui était ici au micro, la première des canards. Tout à fait. Voilà. C'est dit. C'est dit. Mick Jagger and Skepta, qui est un jeune rappeur issu de la banlieue de Brighton et qui traînait dans le coin, j'ai presque envie de dire, et puis il y avait Jagger qui en avait un petit peu ras la casquette quand on lui parle du Brexit. Il a ouvert un studio, il a ouvert la porte, il a dit moi je vais aller le dire dans un texte, et le petit rappeur est rentré, était le dire avec lui, et bim. Probablement un des meilleurs morceaux, allez, anglais, de ses vacances, puisque c'est sorti le 27 juillet dernier. Ça s'appelle England Lost, Mick Jagger featuring Skepta. Au programme du jour. Album de la semaine. Mmh. Non, bah, change pas les bonnes habitudes. Non. La review de Korenko. Le fil rouge. Mmh. On va le terminer quand même. C'est vrai. On y est presque. On y est presque. Il y aura une archive. Ouais. Books on the Radio. Voilà, et puis plein de nouveautés, mais bon, on est là jusqu'à 22h, donc à mon avis, on n'aura pas. On n'aura pas assez de temps. Le temps de mettre plein de nouveautés. C'est pas possible de. C'est pas toujours possible. Voilà. Bon, allez. Ça fait drôle, hein? Ouais. Ouais. Même le siège a changé ici en 3 mois. Je suis au courant de rien du tout. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi si ça? J'aime pas la direction. Ça ne peut pas durer. Appelle la direction. J'ai appelé la direction. Ça devient n'importe quoi ici. Bon, allez, on perd pas de temps là. On a déjà assez perdu de temps. Mais on est bien content de revenir. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Allez, album de la semaine. Mmh. Il est sorti à un petit moment quand même, mais bon. C'est vrai? On n'était pas là. Ah bon, d'accord. Le groupe, c'est Algiers. Algiers. Forcément. Et leur dernier album, The Underside of Power. Bon, forcément. C'était bah oui, pas forcément. Ah si. Si. Les gens qui nous suivent, ils doivent savoir. Ils devaient s'en douter. Algiers, qui est un quatuor, composé du chanteur Franklin James Fisher, du bassiste Ryan Mahan, du guitariste Litesh et du batteur Matt Tong. Bah oui, on choisit pas son nom. Hein. Ils nous viennent d'Atlanta en Géorgie, bien que ils se sont vraiment formés en fait en 2007 à Londres. Ah bah voilà. Mais ils jouaient ensemble déjà à Atlanta quand ils étaient plus jeunes. Des Américains, mais. C'est marrant ça, Américain format Londres, c'est rare quand même. C'est très rare. Ouais. Bah oui. Mais bon, ils ont sûrement voyagé, ils en avaient marre des États-Unis, peut-être, je sais pas. On peut les comprendre. Surtout en ce moment. C'est ça. Leur nom vient d'un. Forcément, puisqu'ils sont très branchés politiques et humanistes. Voilà. Algiers, c'est. La communauté algérienne et donc ils évoquent le combat contre le colonialisme, je ne sais plus parler en plus, ça commence bien, en général, et surtout voilà, ils parlent de la violence, du racisme dans plusieurs États et notamment aux États-Unis. Voilà. Il se faut connaître, oui, en 2012 avec Blood. Oui. Oui, quand même. Qui est sorti chez Double Prantum et va sortir un album, bien sûr, éponyme. Qui est assez somptueux. Ouais, quand même, il faut le dire. Ouais. On en a parlé ici. Vous avez qu'à suivre. C'est ça. Dans les 300. Parce qu'en 10 ans, on n'a pas fait 600 émissions, on en a fait que 300 quelque chose. Hein. Il y a toujours beaucoup de mois de pause. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Donc, album éponyme qui était sorti en 2015, repris chez Matador quand même pour leur début. Donc, ça va. ils ont ouvert pour Interpol. Oui. C'est une manière de se faire connaître, comme une autre. Voilà. Et surtout, Matt Tong, c'est l'ancien batteur de Bloc Party. Bloc Party, oui, tout à fait. Voilà. Ah, ben voilà Londres. J'étais occupé de chercher. Et j'étais parti sur TV on the Radio pour Matt Tong. Ah ouais, non, c'est Bloc Party. Voilà, d'où le... On est pas loin, hein, mais... Ça switchait pas trop bien, non, mais voilà. Bim, bam, boum. Il aime bien chanter avec des... J'aime bien jouer avec des chanteurs blacks, à mon avis. Ouais, puis un jeu assez groovy. Soul, ouais, clairement. Et soul, hein, ouais, non, tout à fait. Allez, premier extrait pour cet album, The Underside of Power. On va écouter Cry of the Martyrs. Nous étions occupés de raconter notre vie, mais c'est vous, il y a de la musique, plein. Oui, aussi. Thank you. is, but it is they who mangle our horizons of our defeat at Calvary. Cry of the Martyrs, extrait de l'album de la semaine The Other Side of Power, des Orgiers. Solide, hein. C'est très solide. C'est franchement solide. Alors, mêle toujours un petit peu de groove. Oui, baby. Forcément, baby. Oui, j'aime bien. Un petit peu de rock. Ouais. Et un petit peu de gospel. Ouais, ouais, petite groove gospel, un petit peu d'électro quand même, parce que... Voilà, il y a des claviers là derrière, il y a de la basse quand même qui est bien solide. Et puis on parlait de batterie. Ouais. Jeu un peu délié, en souplesse. Bingo pour okay. Monsieur Tong. Ouais, bien Monsieur fait. Tong qui était toujours à Bloc Party, qui faisait toujours partie de Bloc Party lors du premier album. Ouais. Et qui a été intégré complètement pour cet album. Donc il fait vraiment partie du groupe maintenant. Ouais, et ça existe encore, hein, Bloc Party. Je sais même pas. J'en sais rien. Parce que j'ai vu que Keke aurait Keke sur un album. Novembre prochain, si j'ai pas de bêtises. Moi, je pense qu'ils ont splitté. Deuxième ou troisième album solo. C'est pas grave. Nous ne suivons pas. Tout à fait. Encore le premier album pouvait encore suivre. Mais après, non. Alors, album The Underside of Power, qui est produit par, excusez du peu, Adrian Utley de Portishead. Ouais. Ils savent s'entourer aussi, il y a pas de souci. Ça récorde bien ça, Gears, qui ferait un curateur ou un Sonic... Ouais. City et A de Creune, ce serait ça sympa. Ça ferait mal, ouais. Ce serait sympa. Ça serait très bon, sympa. Bon, voilà, j'ai lancé une idée. S'il nous écoute. Monsieur de Creune, si tu m'écoutes, Monsieur de Creune, tu me dois des sous. Voilà, c'est ça. Alors, The Underside of Power, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre d'album? Mm-hmm. Mais, d'un autre côté, comme ils sont très engagés politiquement, c'est pas super étonnant. Maintenant, ils n'avaient pas encore de titre d'album quand ils sont rentrés en studio. Mmh. Et ils se sont fait en fait Adrian Utley qui est voilà qui est pas pauvre on va dire ça comme ça se faisait servir par un chef cuisinier français il s'appelle Jérôme on sait tout ouais. Et donc grand plat voilà très raffiné machin et ils ont commencé en fait à parler des de l'immigration. Des migrants et de ce qui passait en politique, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Et voilà. C'est venu comme ça et tout l'album découle à peu près de cette discussion. Il doit être d'autant plus intéressant. Oh oui. Parce qu'on sait bien qu'autour des repas, de famille ou pas, généralement c'est là que l'on se délie un peu. Donc, c'est ça. Ça doit être intéressant. Apparemment, ils ont passé une très bonne soirée, un très bon moment. Donc. Ah ouais, non, voilà, mais ça veut pas dire que c'était tendu du tout, mais c'est là que les choses sont dites, généralement. Tout à fait. Et donc, c'est là que cet album s'est dit. Bien. Voilà. Allez. Allez, deuxième extrait pour ce soir, c'est le single qui a lancé l'album, et ça s'appelle The Underside of Power. Ça va groover. Broken shards are there we are at some time. Scatter around what you try to control on your life. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. Shot just because my heart I lost the ties I've been body and soul. We'll be right back. JC 95 FM. Jack Hands à l'instant, groupe anglais, ou presque, hein, y a un français dedans quand même, qui nous vient de la région de Brighton, j'en parlais tout à l'heure, avec un premier deux titres, 45 tours on disait dans le temps. Barrows and Other Hideouts, ça sort chez Future Void Records, il y a un petit côté gueulard, un peu screamo comme ça. Quand même. Mais il n'y a pas que ça, et je trouve ça assez riche, en tout cas sur les deux titres, c'est assez riche, donc on attend un petit peu la suite. Pour la petite histoire, c'est sorti le 26 ou 27 août, je ne sais plus, donc c'est tout récent, et Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi des petits formats de sortie. Donc il y a 50 CD et 50 cassettes. Excellent. Time. Et le reste après, ça voyage un petit peu, mais ils commencent à avoir des chroniques par-ci par-là, depuis 15 jours, pardon. Et donc ça, je trouve ça assez amusant finalement. C'est bien fait. Quatuor de Brighton, Sam Matteo, Tommy et Antoine. C'est là que je me dis qu'il y a un français dans le tas. Oh, c'est bien possible. Schalk Ends, qu'on pourrait traduire par les mains talquées. C'est pratique, ça ne glisse pas. Voilà. Allez, fil rouge. Oui, j'ai été occupé de chercher un jingle, mais il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas pour le fil rouge. Il n'y en a pas. Tu t'es perdu. Depuis toutes ces années. Mon Dieu. Allez, on est presque à la fin de l'histoire de David Bowie. Donc c'est avant-dernière émission, on parlera de David Bowie. C'est vrai ? C'est vrai. Tu aurais été jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout du bout. Mmh. Ah, je tiens mes promesses, hein, jusqu'au bout. On est donc en 2013, ça fait 10 ans que David Bowie ne sort pas d'album. Alors entre deux, bien sûr, il y a un double live qui est sorti, il y a des concerts à droite à gauche, quelques collaborations, notamment sur l'album de Scarlett Johansson. Mmh. Voilà, mais le 8 janvier 2013, le jour de son anniversaire donc, oui, il sortira un clip. Oui. Et en même temps, annoncera un prochain album de Next Day. Absolument. Voilà. Le clip, c'est Where Are We Now, voilà, qui va débuter en haut des charts anglais directement. Je pense que les fans attendaient avec impatience qu'il ressorte quelque chose, à mon avis. Oui. Donc, The Next Day, qui sera aussi l'album qui se vendra le plus en 2013. Absolument. Et pour la petite histoire, Where Are We Now, ce clip, eh bien, votre radio, et voilà, après ouais, c'est plus mesurable, mais a été une des toutes premières à le passer, ouais, à le passer, à le diffuser, à le poster, parce que, pur hasard, voilà, une heure, je ne sais plus comment, je ne sais plus quand, mais... je faisais autre chose et je suis tombé là-dessus. Il y avait genre une dizaine de minutes que c'était posté. Même pas. Et voilà. Donc c'est drôle, quoi. C'est marrant. Comme quoi. On a été premier une fois quelque part. Tout le monde a oublié, mais c'est pas grave. Grave. Tu vois, on l'a rappelé, voilà. Ça c'est bien, on l'a rappelé. Mais j'ai rappelé, voilà. Alors Bowie qui se verra attribuer une... un... Grammy Award. Non. Non, non, je ne sais plus, enfin, je ne sais plus parler, je ne trouve plus mon nom. Tu ne sais plus. Je ne sais plus parler. C'est bien parce que je l'ai en anglais, j'arrive plus à trouver le mot en français. C'est une récompense Non. C'est un... une exposition, voilà. Une exposition, voilà. Voilà. Au Victoria and Albert Museum, oui, à Londres, ouais, voilà, ouais, en 2013, ouais, qui s'appelle David Bowie Is. Absolument. Et donc, il reprend un petit peu la vie de David Bowie. Travers, ouais, c'est ça, ses disques, ses costumes, ses apparitions. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et qui sera suivi par 311 956 personnes. Bim. Rien qu'à Londres. Et donc, ça fait d'elle l'exposition la plus regardée en 2013 aussi. Voilà. Il vient pas à moitié, lui. Non. Lui, il vient pas à moitié. C'est ça. Allez, extrait de cet album de Next Day. Je vais pas passer Where Are You Now. Je vais plutôt passer The Stars, qui est le deuxième single qui était sorti A Road Tonight. Voilà. C'est parti. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. To the heavens, the stars are. petit détour sur les musiques bruyantes et agitées en compagnie de Korenko. Bah ouais, c'est une séquence aux alentours de 20h30. Et elle se poursuit cette séquence. On aura un échange téléphonique. Les jeunes disent un phoneur, mais... Un phoneur, ouais. Un échange téléphonique. Voilà, un phoneur avec PG, qui est le boss du site. Donc on essaie de mettre ça en place et puis on s'appellera dans les prochaines semaines. Voilà, parce qu'il y a aussi plein de choses qui déboulent et qui se font via Korenko. Donc la séquence, du coup, on causera au téléphone. D'accord. Voilà, et il choisira son album de la semaine, tiens. Pour... Il dira ses petites news lui-même, c'est ça? En fait, tu feras rien. Et je pense qu'on fera pas de news, on verra bien. Petite séquence, hein, donc on verra bien comment on fait. Allez, où s'arrête-t-on? Eh ben, on laisse tomber les vacances, il y a eu des choses plus ou moins pas trop importantes, donc peu importe, on va retenir quand même, et ça m'embête parce que j'ai oublié le nom de ce groupe, mais groupe suédois qui jouait sur scène et dont le chanteur a décidé d'arrêter le concert parce qu'il y avait une fille qui faisait stage dive et elle s'est fait un petit peu tripoter partout. Et lui, il a arrêté le morceau, il s'est dit « Oh, mon gars, je t'ai vu faire, toi, t'as rien à faire dans mon show. Les gens sont ici pour s'amuser, pour la musique, et t'as pas à faire ça. » Ça, c'est rare quand même pour le souligner. Pas rare qu'il y ait du tripotage pendant les stage dives. Hein. Ah non, ça... Mais franchement, quelle conscience en tout cas, et le message est passé, c'est déjà ça. Très bien, mon gars. J'ai plus quitté, mais c'est bien. Mais je ne sais plus c'est qui. Voilà, mais c'est le truc que j'ai retenu des vacances. C'est une info qui n'en est pas vraiment une, mais ça s'est vraiment passé. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez aller soit sur Korenko, mais aussi sur Facebook Brut. Ouais, tout à fait. Ça, la vidéo passe. Ouais, c'est ça. C'est encore. Voilà. C'est en juillet, mais c'est encore bien soutenu. Il n'y a pas longtemps, ouais. Voilà. Allez, on va s'arrêter. Rayon cinéma. Blade Runner qui bénéficie d'une relecture par Denis Villeneuve, donc on essaye de rebooster, de faire un reboot voilà, du film, ou une suite, c'est selon, enfin, c'est un peu le cul entre deux chaises, et c'est tellement le cul entre deux chaises le projet, visuellement ça va être fantastique, ça on en est quasi certain, par contre niveau scénaristique, point, mais c'est tellement le cul entre deux chaises que du coup... Ben Villeneuve a proposé à des amateurs de pouvoir proposer voilà, des scènes inspirées, enfin voilà, d'amener des choses, des mini-courts-métrages qui vont amener le film après, voilà. Et il y en a un qui s'arrête avec Jared Leto qui joue un rôle assez inquiétant. Jared Leto qui, de temps en temps, est chanteur dans Children's Second to Mars. Acteur aussi. Et ça, il faut oublier. Par contre, jeu d'acteur, allez, moi ça m'a un petit peu... joue rôle d'un patron aveugle, enfin bon, un peu plus que patron aveugle. Bref, vous pouvez voir cette vidéo, c'est plutôt bien fait, et puis allez voir les autres courts-métrages, c'est plutôt bien fait. Allez, retour à la musique, évidemment. Il y a quand même des sorties cette période de rentrée, évidemment. Vandenberg's Moon Kings, qui est un groupe d'Adrien Vandenberg, qui va sortir son deuxième album, ça s'appelle... Pouf, Mickey, voilà, d'ici c'est ce que je vois, ça sortira le 3 novembre prochain. Million tout, pardon, ça doit être ça. Je vois pas très très bien, c'est des chiffres romains. Voilà, Vandenberg's Moon Kings. Dans les sorties, on retient aussi. Le temps que ma page s'actualise, hein, vous voyez, c'est du direct live hein, pour vous dire que. On retiendra que. J'ai vu passer l'info que Antisocial a été repris deux fois cette semaine, si, et clippé. Antisocial repris par Metallica. Bon. Ouais, toutes les semaines il faut qu'on parle de Metallica. Je ne sais pas. Et repris par Steven Seagulls, les gars qui font des reprises au banjo, là. Ça, c'est assez drôle, quand même. Voilà, on peut en parler. Nouvel album pour Cannibal Corpse qui se projette en novembre. Ça sera début novembre. Il y aura 12 titres et c'est du Cannibal Corpse, pur jus. Si vous avez loupé l'un ou l'autre album, ne vous inquiétez pas. C'est comme à chaque fois une séance de rattrapage, évidemment. C'est pour les fans. Chelsea Wolfe, on en parle bien parce qu'elle a aussi sorti un... Elle va sortir un album. ça sera fin du mois de septembre. Et puis il y a 2-3 vidéos qui circulent. Pareil, si vous avez loupé un épisode, c'est Jesse Wolf. Elle a gardé la robe noire, les cheveux, machin, tout pareil. Alors ça, c'est un petit peu la surprise, parce qu'on ne pensait plus jamais en entendre parler. The Desertering Seven, c'est le nom du prochain opus de Primus, qui sortira le 29 septembre prochain. Et c'est un peu fandard, voilà, c'est du Primus, c'est-à-dire un peu progressif, un peu rigolo, un peu zappaesque parfois, un peu punk, un peu métal. Beaucoup Primus, finalement. Ouais. Voilà. Gravity, qui est le troisième album, qui va sortir un troisième album en octobre prochain. L'album va s'appeler Noir, tout simplement. Et ça va sortir chez l'excellent label Apatia Records. Donc ça promet d'être probablement très très bien. Le clip, alors ça dépend de quel côté vous êtes, hein, mais le clip dont il ne faut pas parler, il ne faut pas voir, au contraire, ruez-vous dessus. Oui. Stone Sour, qui participe à un clip de Steel Panther. Ouais. Je ne donne pas plus d'infos, voilà. Et Suis Coucou arrive d'en faire au passage, qui en parlera bien mieux que moi, évidemment. Tout ce que je peux penser de bien de Steel Panther. Bon, ce que la Sacred Rage, là on est dans les grosses sorties, c'est Metal Blade qui s'occupe d'eux, qui va ressortir Ignorance, voilà, avec une édition agrémentée, évidemment. Il y aura un CD Digipack, il y aura vinyle d'un bleu limité à 200 exemplaires, il y aura des illustrations de la pochette, des déclinaisons de cette pochette. On rappelle que l'album faisait quand même, à la base, une dizaine de morceaux. Ça a été retravaillé, il y aura des démos qui sont rajoutées, enfin évidemment, c'est comme souvent, hein, c'est un petit peu pour faire de l'argent, mais c'est bien de reparler d'un groupe comme Sacred Reich, finalement, qui a fait le taf, voilà, c'est déjà 30 ans pour eux. Le pain dans la gueule de la semaine, c'est Integrity qui nous l'offrait avec Burning Beneath the Devil Cross. Nouvelle vidéo, c'est du Integrity pur jus, et franchement, c'est très très bon. Très très vite, Integrity. Allez, l'album sur lequel on s'arrête, c'est un double arrêt. Walk with Love and Death, c'est le nom de l'album, du nouvel album des Melvins. Antépénultième album des Melvins, évidemment. Et... pour la petite histoire, le chroniqueur attitré des Melvins chez Korenko, c'est Eljep, qui s'attaquait donc à sa 60e chronique pour un disque des Melvins. J'imagine celui qui ferait le même travail pour The Fall, ça serait drôle aussi. C'est clair. Voilà. Voilà. C'est du Eljep dans le texte, donc c'est toujours très bien écrit, très bien couillu. Et puis ce disque, je dirais pas qu'ils sont un peu... Le chant du cygne ou la fin, mais on est un peu plus dans l'automne des Melvins, si vous voyez ce que je veux dire, quand voilà, même. Ouais. Bon, il y a quand même des bonnes choses comme ce Christ Hammer, qui est un morceau presque beatlesque dans l'esprit, mais évidemment à la sauce Melvins, rassurez-vous. Christ Hammer, A Walk with Love and Death, c'est l'opus 2017 des Melvins, c'est parti. We'll be right back.

Motherless child. Because my dad, he don't have no wife. And I don't have no mother. I can cry all night. Play it, CJ. Et le petit morceau groovy du soir. Le groupe s'appelle The Cooking Bag. Mm-hmm. Le morceau, c'est Ruby Dee. Ben. C'était sorti sur une compilation. Voilà. Street Sounds from the Bay Area Music, City Funk and Soul Grooves, 1971-75. C'était sorti en 2011. Bonne maison. Ça m'en a tout l'air. C'est un label, hein, à mon avis. Non, le label, c'est BGP Records. Ah ouais. Voilà. Bon. Allez, les petits morceaux qui craquent juste avant 9h et après on vous parlera bouquin. Oui. Parce qu'on perd pas les bonnes habitudes. Maintenant, on les garde. C'est ça. Le petit morceau qui craque, la radio publique nationale a fêté le mouvement Flower Power et les 50 ans du rock'n'roll. Voilà. Oui. Avec plein de choses. Tout à fait défendable, évidemment, et puis ça fait quand même partie d'une génération, d'une époque. Mais on va pas partir aux États-Unis, on va aller en Angleterre, où il y a aussi eu un truc un petit peu flower power, mm-hmm. ou presque quand même, parce que c'était pas le même niveau, c'était autre chose. On va s'arrêter en 1967, donc le morceau qui va passer à 50 ans. D'accord. En vinyle, et ça craque. Oui. Et ça craque bien. Bah oui, je me doute. Parce que ça a 50 ans. Comme ça, pour ceux qui ont... Voilà. Groupe formé à Birmingham, qui a existé entre 1966 et 72, 6 ans. On arrête, au revoir et merci. Le groupe s'appelle The Move. Mm-hmm. Tout le monde a oublié. Ouais. Dans les principaux faits d'armes, ils ont fait des splits singles. et des albums, et dans les split singles, ils ont partagé notamment un split single avec Procol Harum à l'époque. Ouais. Voilà, ça se situe un peu. Mais évidemment, ils ont un peu disparu. Et puis, ils ont tenté de remettre le couvert. Bah, en 67, en partageant un split single avec Cat Stevens. Mmh. D'accord. Voilà, ils ont sorti une bonne soixantaine de singles en 6 ans. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal, et ils ont sorti 5 albums. Voilà, The Move. On s'arrête sur un morceau qui s'appelle Flowers in the Rain, et ça sortait chez Regal Zonophone pour le nom du label. Tout va bien. Attention, ça craque. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So marigolds upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. With all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain. With the trees, believe to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep is gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. One line. One line. The paper. The sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio. On ne change pas les bonnes habitudes, on est toujours sur un thriller, forcément. Mm-hmm. Voilà, cette fois, thriller de l'auteur M.J. Arledge, mm-hmm. qui est en fait à la base scénariste pour certaines séries américaines policières. Ah bah voilà. Voilà. Donc ça tombe bien. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Son premier bouquin s'appelle Amstramgram. Mm-hmm. Pique et pique et collégramme. Forcément. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre. C'est presque ça, ouais. Alors on se retrouve aux États-Unis. En Angleterre, pardon. Je dis aux États-Unis. En Angleterre. Où une jeune femme émerge d'une ancienne piscine. Mmh. Blessée, affamée, psychologiquement pas très bien. Ben ouais, voilà. On peut comprendre. Et c'est l'inspecteur Helen Grace qui va se charger de l'enquête. puisque cette fille va raconter qu'elle elle a été enfermée, pas vraiment enfermée, mais presque enfermée, avec son petit ami dans cette piscine où les murs étaient tellement hauts qu'on ne pouvait pas sortir, sauf avec une échelle. Et qu'en fait, la seule façon de survivre, c'était de tuer l'autre. D'accord, sympa. D'où le hamstramogramme. Ouais, ouais. Forcément, ah, bien oui. Bien vu. Ce sera toi qui survivras. Voilà. Alors, au début, forcément, ils y croient pas trop à son histoire. Donc, ils se seraient fait enlever, kidnapper à deux, alors qu'ils faisaient de l'autostop pour rentrer chez eux. Ouais. Après un concert. Et voilà, ça paraît un peu bizarre. Elle pense plutôt qu'elle a juste tué son petit ami. Voilà, parce qu'elle l'aimait plus ou parce qu'il y avait un truc qui s'est passé, quelque chose. Un meurtre, un crime passionnel. C'est ça, voilà, tout à fait, parce que ça. Ouais. Mais on va vite se rendre compte que non, c'est bien une meurtrière. Ah ouais. Voilà. Ou pas vraiment meurtrière, vu que c'est pas elle qui tue. Oula. Mais non. Amstramgram. Elle tue pas. Elle enlève des gens pour qu'ils s'entretuent. Mmh. C'est pas une meurtrière. Voilà, voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. Et donc Hélène Grace, qui est capitaine de la section criminelle à Brighton. Parler de Brighton. Encore, ça fait trois fois là, c'est bon là. C'est le coin, je pense, ce soir. Ouais. Et qui va finalement se rendre compte que toute l'histoire est vraie. D'accord. Puisqu'on va retrouver forcément d'autres personnes par la suite. Allez. Ouais. Alors, Hélène Grace, qui est un personnage quand même du bouquin très important, vu que elle est, je vais pas, c'est pas sans dévoiler, elle est un peu sadique, masochiste, plutôt masochiste, puisqu'elle se rend plusieurs fois pendant la semaine, le soir, chez qui paye quelqu'un en fait pour la fouetter. Ouais. Voilà. Ouais, enfin, de là être sadique, un petit peu de perversion, quoi. Oui, mais pas sexuelle du tout. D'accord. Mais pas du tout, hein. Ok. Et voilà, c'est juste, juste se faire mal, en fait. Ah ouais. Voilà, et donc on comprend très vite que c'est une femme qui est assez perturbée. Et au fil des pages, on saura pourquoi. Bon. Elle s'inflige tout ça. Et puis, après, plein de retournements de situation. Et une fin... on s'y attend pas trop, non. C'est vrai ? Ouais. Allez. Bon. Assez riche, beaucoup de choses dans ce bouquin. Alors, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas l'air très gros, pourtant. Non. Ça va. Ouais, là, non. Il fait... Attends. 400 pages ? 300 ? 400 ? 400, ouais. Ouais. Un petit peu plus. Mm-hmm. 410, allez. 410 pages. C'est une enquête qui avance... Rapidement. Assez vite, mais qui laisse un temps, genre une semaine après, machin. Ah ouais. Voilà, il trouve pas l'auteur du crime tout de suite, au bout de trois jours, sur un bouquin qui fait 500 pages. Quoi. Tiens, du fait qu'elle soit scénariste... qu'il soit, ça, mec. Hein. Qu'il soit. Oui, ah, oui, c'est un homme. Qu'il soit scénariste pour des séries, est-ce que ça... ça se sent dans des coupages, comme tu dis, ça se passe d'une semaine à l'autre, etc. Est-ce que... Ça sent parce que c'est des chapitres qui sont très courts. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le page-turner. Ouais, c'est ça. Comme on dit. Ouais, c'est ça. Et c'est pas trop bouclé, ça donne pas l'impression d'être bâclé. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. C'est, ça tient fort en haleine. Mm-hmm. C'est un très bon bouquin, c'est pour ceux qui aiment les thrillers un peu bizarre et un petit peu trash sur les bords, avec des personnages qui sont tous un petit peu psychotiques sur les bords aussi. Puisqu'à côté d'Hélène Grace, on retrouve Jack, qui est son sous-lieutenant, voilà, qui fait partie de son équipe et qui a divorcé de sa femme, qui suit encore sa femme, qui tous les soirs va voir, parce qu'ils ont une fille ensemble, qui tous les soirs squatte devant chez sa femme pour voir sa fille. D'accord. Et qui est alcoolique. Ok. Voilà. Okay. Ouais, non, et il y a Charlie, qui est une fille, cette fois, voilà, qui est bien une fille, jeune fille, toute fraîche, qui sort de l'école de police et qui se retrouve là, qui a un petit ami, qui tout va bien dans sa vie. Mm-hmm. Mais forcément, quand tout va bien dans sa vie, à un moment donné, ça ne va plus. Voilà. Bon, c'est bien bien riche tout ça. Amstramgram, ça sort chez 1018, ouais. qui est toujours une très bonne maison. C'est une très très bonne maison. Évidemment, voilà. depuis la nuit des temps. La nuit des 30 ans maintenant, ça reste toujours une très bonne maison. M.G. Erlich. Ouais, c'est assez connu. C'est un bouquin, si vous aimez les thrillers, c'est un bouquin qui est super cool, qui est assez connu en tout cas dans ce monde-là. Et il y a la suite qui s'appelle Il court le furet. Mmh. Et elle aime bien, il aime bien jouer un peu sur les mots. Et La maison de poupée en troisième tome. Voilà. D'accord. Conseil consommateur, oui, non ? Oui. Oui, oui, oui. Les persos, bien quand même. Je reviens là-dessus. Moi, j'aime toujours bien. J'aime beaucoup les personnages de ce bouquin. Bon. Parce qu'ils sont pas parfaits. Loin de là. Et ils font des erreurs et c'est des humains, quoi. Donc, bon. C'est toujours mieux. Allez. Bien, bien, bien tout ça. En parlant d'erreurs, parfois il y a des fake news, tu sais oui. ça. Et ça inspirait un jeune groupe, on s'entend, qui est revenu sur le devant de la scène avec un 32e album. Ouais, il est très jeune. Studio. On compte pas les lives, on compte pas les. J'en ai parlé tout à l'heure, évidemment. On compte pas les lives, on compte pas tous les singles, les arrangements, etc. 32e album studio pour The Fall. Toujours mené de main de maître par un certain Mark E. Smith. Alors, l'histoire des fake news, ça l'a inspiré parce que l'album s'appelle New Fact Emerge. Voilà. Voilà. S'il avait pu, je pense qu'il l'aurait appelé fake news. Mais bon. Ça aurait pu. Bah ouais, 32e album. Il y a, on est dans quelque chose de assez intemporel maintenant, forcément, depuis de nombreuses années. Finalement, l'album post-reformation TLC de 2007 était la vraie erreur de parcours, alors que c'était censé être l'album du renouveau et de la reconquête. Et c'est un album très mauvais. Et les albums qui ont suivi depuis 10 ans sont tous très très corrects. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans toute la discographie de The Fall. Il faudrait la nuit. En effet. Brio de facto, c'est le titre que j'ai choisi. C'est la deuxième plage de cet album qui est sorti en août dernier. Nouveauté, donc on vous avait dit, il y a beaucoup beaucoup de nouveautés. New Facts Emerge, The Fall. Même si eux sont pas nouveaux. Yeah. Allez, suite et fin de l'album de la semaine avec Algiers. Oui. Toujours. Qu'on ne manquera pas de repasser. Suite, à mon avis. C'est ça. Quelques morceaux. C'est ça. À savoir qui sont en concert. Un autre beau pays. Voilà. Au Botanique de Bruxelles le dimanche 19 novembre. Voilà. Au Wheat Love Bar. Pour ceux que ça intéresse. Baby. Et pour ceux qui veulent nous voir, puisque nous y serons. Le mystère est dévoilé. Le mystère est dévoilé. Le 19 novembre, donc au Botanique, au Wheat Love Bar. Alors l'entrée, c'est une bouchée de pain, donc franchement. Allez-y, quoi. Ça vaut le coup. À mon avis, ça va être un très bon concert. Ça va être très très bien. Ça va être très très bien. Allez, dernier extrait pour l'album The Underside of Power. On va écouter le morceau de Cleveland. Mississippi, they don't have to hide, but in a avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovres, des Hohenzollern. Rien que des michetons garantis croisades. Astronomie Domini, Pink Floyd 1967. Voilà, ça c'est pour poser un peu le cadre. Ouais, bon anniversaire. Aussi. On est dans les 50 ans, évidemment. Bah oui. Tout tourne autour de ces 50 ans, c'est grave quand même. C'est grave, docteur. Bah donc voilà, oui, effectivement, ça sortait en juin 1967 et donc on fête bien les 50 ans. Et l'album va sortir un peu plus tard, ça sera en août. Bon là, on reste dans le thème. Hein. L'album s'appelle The People at the Gate of Dawn. Le joueur de flûte aux portes de l'aube. Joli titre, hein, n'est-ce pas? Et titre inspiré, et ça va déjà donner une ligne de conduite de ce que a pu être et de ce que peut être Pink Floyd. Et là aussi, on pourrait parler toute la nuit de ce qu'est Pink Floyd dans le monde de la musique. Mais on n'est pas là pour ça. Mais ça fait référence à un chapitre d'un bouquin, chapitre 7, d'un bouquin qui s'appelle Le vent dans les saules. Voilà. Mm-hmm. Qui est un roman écrit par un écrivain écossais qui s'appelle Kenneth Graham en 1908. Voilà, ça sera publié une vingtaine d'années plus tard en France. Et puis, donc, The Wind in the Willows, c'est le titre original, évidemment, Le vent dans les saules. Et le chapitre 7, ben, ça s'appelle Le joueur de flûte aux portes de l'aube, et ça va inspirer Syd Barrett, évidemment, pour appeler son premier album. Donc ça fait déjà mal. Et on continue parce que, évidemment, le bouquin, ben, c'est un bouquin un petit peu ésotérique, mystique, qui fait la part belle à la camaraderie, à la bonne moralité, à la nature. Le peace and love, ouais. Je vois que tu fais du peace and love, mais ça se voit pas à la radio. Mais il y a un peu de ça. Les personnages sont évidemment des animaux. Donc il y a Monsieur Taupe, il y a Monsieur Rat, il y a Monsieur Loutre, qui est copain de Monsieur Rat, qui lui raconte des blagues, il y a Monsieur Blaireau, Monsieur Crapaud, et ainsi de suite. C'est tous des personnages assez atypiques. Crapaud, c'est un riche propriétaire d'un manoir, voilà, qui est souvent de bonne humeur, mais qui est très prétentieux. Ouais. Bon, donc évidemment, les personnages sont un peu décrits comme ça. Stéréotype, quoi. Ouais, le rat, c'est un animal détendu, plutôt amical, qui se balade en rivière, voilà. Il fait des petites blagues de temps en temps, mais un petit peu timide en même temps. Taupe, c'est le patron, hein, c'est l'animal un petit peu doux, un petit peu casanier. C'est un personnage, voilà, central dans l'histoire du bouquin. Et tout tourne autour de ces vies-là, évidemment. On peut mettre des êtres humains derrière ces animaux et des traits de caractère d'humains derrière ces animaux. C'est ça qui est drôle. Voilà. Et ça reste encore assez riche, bien que le bouquin, je disais, en 1908, et donc il y a 100 ans, même plus de 100 ans. 110 bientôt, ouais. 110 qu'il est sorti, ce bouquin. Voilà. Ça a déjà été fait, évidemment. Hein. Ça s'appelait... comment il s'appelle, La Fontaine, qui faisait ça, évidemment, ouais, avec ses fables. Ben, on avait dans le même registre. Bref, je reviens à The Piper, The Get Out Down, premier album de 67 de Pink Floyd. À l'époque, Pink Floyd, ben, c'est un groupe qui se cherche un petit peu musicalement, et c'est ce qui va, la force des grands groupes, évidemment, ce qui va donner leur richesse. C'est comme ils savent pas très bien où ils vont aller un peu partout. Et ça s'entend dans ce disque. Il y a des expérimentations dans cet album. Il y a du rock, du vrai rock, même solide. Il y a des filtres, il y a des sons de guitare qui sont un petit peu bidouillés à l'envers. Il y a des sons étouffés. Il y a des longues pages planantes. Avec ce disque, Pink Floyd va rentrer comme un des... si pas précurseur, mais un groupe très très important dans le monde du rock progressif, du rock psyché. Et disons-le tout de suite, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, il y a 50 ans, mais du post-rock, bien sûr. Bah forcément. Nombre de groupes post-rock qui ont du Floyd dans leur gratté, dans leur guitare, c'est assez hallucinant. Donc voilà, allez redécouvrir ce disque. Il y a plein de choses à dire, je voulais plutôt m'arrêter sur le nom et sur l'origine, que je trouvais amusant. Barrett va pas tenir le coup. D'ailleurs, il tient pas trop le coup sur le disque non plus, parce que, dans les faits, soyons concrets, il va jouer réellement sur 4 morceaux. Il va chanter sur 3 morceaux. Il va faire des petites apparitions, un petit peu de guitare par-ci, par-là. Et on met bien en avant Syd Barrett, mais en fait, c'est déjà les autres qui doivent tenir la boutique. Parce que le père Barrett, eh ben, il est pas très très bien. Voilà. Sans blague. Bon. Il n'a jamais été très bien, à mon avis. Astronomie Domini, hein, ça se dit bien comme ça. C'est le titre qu'on peut retenir. Il y a finalement le fabuleux Interstellar Overdrive, face B de l'album, qui est absolument fascinant, mais il fait 9 minutes, ça fait un peu tard si je passe maintenant. Le personnel de Pink Floyd, ben tiens, qui était déjà là, ben, forcément, Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason, Syd Barrett, et puis un certain Peter Jenner, qui va s'arranger comme manager du groupe et qui va faire des vocalises, notamment sur ce Astronomie Dominique qu'on écoutait, mais qui va évidemment pas tenir le coup non plus. Non plus. Voilà, ça va pas durer. Allez, deuxième extrait de cet album. On se fait un petit plaisir parce que le morceau a été popularisé fin des années 90 par un groupe belge. Oui. Le temps d'une reprise qui fait encore le tour maintenant, parce qu'ils l'ont joué il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, quand ils étaient au Lokersfesten, par exemple. La Muerte qui a repris Lucifer Sam, et donc on s'écoute la version originale Lucifer Sam de Pink Floyd 1967 pour vos oreilles. Tes sensations dans une vie où je sens, où je plonge pour toujours. Ta musique. Ta génération. Ta génération. We'll be right back. Retour d'un vétéran, c'est aussi le retour des vétérans, même si ça fait partie des... Nouveaux. Mais parce que l'album est à venir, évidemment, l'album sortira le 13 octobre 2017. On parle aux gens qui ont aimé un petit peu la musique électronique un peu sauvage, un peu secouée, dans les années 80. Et en 88, un groupe américain a poussé un petit peu les meubles. Mantalo and the Fixer, c'est d'eux qu'il s'agit. Les frangins, Gary Dasing et Dwayne Dasing, qui se sont mis en route pour proposer ce groupe. Mantalo and the Fixer, évidemment, c'est deux personnages issus des comics Marvel. Hein. C'est des super méchants. Et ils reviennent avec un album, enfin il revient parce que Gary Dasing poursuit l'aventure seul, Frangin il a laissé l'affaire de côté. L'album s'appelle Arrange de Molécules, le titre qu'on écoutait, A Lot Like the Truth, évidemment c'est pas toujours que instrumental, c'est parfois chanté mais c'est assez rare quand même, et ça sort chez Alpha Matrix, le label de Front 242, voilà. Ok, tu étais en train de chercher, désolé. C'est vrai ? Mais... Tout est devant moi. Là, c'est bon, j'ai devant moi. Regardez, j'ai des écrans. Hein. J'ai des écrans. Moi aussi, j'en ai un. Bon, c'est nouveau. Ce sera nouveau aussi ? Nouveau. Nouveau ! On part au Canada. Ah ! Voilà, pour Metz. Ah, bien, ouais. Bien, ouais, bien. Qui sortent un nouvel album qui est à paraître ce mois-ci, voilà. Mm-hmm. J'ai plus la page devant moi maintenant, c'est malin. Ben voilà, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ou pas. Ou pas, hein. Ou pas, ah, ça y est. C'est selon. Alors, le nouvel album s'appelle Strange Peace. Mm-hmm. Ça sortira encore et toujours chez Sub Pop. Mm-hmm. Mm-hmm. Et le morceau, il y a deux extraits qui sont sortis, on va écouter Drained Lake. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be. Le petit nouveau Liars. Ah. Voilà. Count in my cage fist. Mm-hmm. Extrait de son dernier album, TFCF. Mm-hmm. Puisque Aaron l'a quitté. Ah ouais. Ben oui. Et d'ailleurs, l'album, en fait, TFCF, c'est pour Theme from Crying Fountain. Mm-hmm. Qui est en fait un album qui rend hommage à son ex-compagnon, on va dire c'est comme ça, puisqu'il a quitté le groupe. Mm-hmm. Voilà, et c'est comme si il se retrouvait, comme il dit, il se retrouvait seul dans sa robe de mariée. Mm-hmm. Le jour de son mariage, donc la pochette est... Ouais, ouais, ouais. Voilà, il est dans une robe de mariée, voilà, devant son aussi, gâteau. Hein. Ouais, ouais, tout si, à si. Fait. Voilà, Liars. Bien. Bien, bien. Allez, groupe qui va fêter, mine de rien, ses 20 ans de carrière l'an prochain. Quand même. Penserai jamais ça. Hein. Non. formé par Octopus et MC Dalek à la base pour devenir simplement Dalek, mais il y a toujours MC Dalek, il y a Rek, il y a Mike Swambots qui sont maintenant dans le groupe Octopus, c'est parti vaquer à d'autres occupations. On arrive au 8e album en 20 ans. Ouais. Bon, ils prennent leur temps, c'est bien. Il y a quand même eu un hiatus assez important entre, on va dire, From 50 Tongue of Gods and Griots, qui sortait en 2002, le fameux Abandoned Language, qui les a fait connaître par tout le monde, c'était il y a déjà 10 ans, sorti en 2007. Et puis après, ils ont un petit peu, si pas disparu, en tout cas pris leur temps pour faire les choses. Et donc, c'est pas plus mal, ça reste quand même un des groupes hip-hop des plus novateurs de ces 20 dernières années, puisqu'ils vont fêter leurs 20 ans. Sortis même époque que Antipop Consortium, Claudette, voilà, tous ces gens-là, qui étaient vraiment importants et qui faisaient du hip-hop un peu autrement. Ils continuent à faire du hip-hop un peu autrement. Sur cet album, Endangered Philosophies, parce qu'en plus ils sont engagés, on va écouter Weapons, et ça sort chez le label de Mike Python, Hypecac Recordings, forcément, j'ai envie de dire. Never enough sick, it's up. univers toujours extrêmement envoûtant de Dalek avec ce Endangered Philosophies, au chaudement recommandé. Vraiment. Très bon disque. Et les morceaux de décroche. Mm-hmm. On va partir en 1996. Mm-hmm. Je trouvais pas de morceau de décroche en fait. C'est vrai. J'ai repensé à ce qu'on a fait pendant les vacances et voilà. Ah bon. Et des concerts qu'on est allé voir et et voilà 1996. Que sommes-nous allés voir en 96? Mais non, pas en 96. Non, moi j'ai dû aller voir des trucs, mais je me souviens. Sûrement. Je me souviens plus très. Je sais pas si t'as été voir Antichrist Superstar par exemple. Non du tout. Voilà. Du tout ça, j'ai pas été voir. C'est pas étonnant. Elle est Marilyn Manson, forcément vous l'auriez deviné. Oui. Avec son morceau phare, on va appeler ça comme ça. Beautiful People. Oui. Avec un clip. À tomber. Mais le morceau, moi j'aime bien quand même. Ouais. Je vais pas. Voilà. Très très bien fait, très très bien fait. Et chouette hommage, sympathie, tape sur l'épaule entre Marilyn Manson et Alice Cooper qui finalement sont aussi des êtres humains et peuvent être sympas dans leur monde, donc c'était chouette quoi. Voilà. Voilà. Allez, Marilyn Manson, The Beautiful People. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert, soyez prudent et la semaine prochaine donc. Bonsoir. Bye bye.